Vous écoutez France Culture. Bonjour, les lundis de l'histoire par Jacques Le Goff. Notre émission aujourd'hui est assez exceptionnelle. En effet, trop souvent, me semble-t-il, les historiens qui parlent du Moyen-Âge et qui sont des spécialistes du Moyen-Âge chrétien se limitent à ce territoire et à cette religion. Or, en chrétienté même, et aux abords de la chrétienté, et dans l'histoire de la chrétienté, deux autres religions ont tenu une place d'une grande importance, le judaïsme et l'islam. Et nous avons aujourd'hui l'occasion de parler plus spécialement d'une de ces religions, l'islam. En effet, un grand spécialiste de l'iconographie religieuse médiévale, François Bussug, vient de publier un ouvrage qu'évidemment je recommande à tous les auditeurs, Le prophète de l'islam en images, un sujet tabou aux éditions Bayard. Et pour parler de ce livre, sont réunis l'auteur, François Bussug, professeur émérite de l'Université catholique de Strasbourg dominicain, et Abdennour Bidar, philosophe de l'islam très connu. Nous nous sommes posé la question de savoir comment nous allions appeler le personnage qui est au centre de ce livre et qui va être au centre de cette émission. Mahomet à la française, Muhammad ou Mohamed, eh bien, nous avons décidé de nommer le prophète comme cela nous viendra à l'esprit, et ça sera toujours le même. François Bussug, vous êtes très connu pour être un grand historien des images religieuses, et votre ouvrage sur Dieu et ses images est un classique à la fois d'une grande beauté et d'un profond intérêt par son texte. Pourquoi avoir choisi ce sujet ? En effet, ce sujet ne fait pas partie, disons, de ma donne initiale. Mais j'y suis venu pour plusieurs raisons que je vais expliquer brièvement. La première, c'est que j'ai animé au CNRS, à l'Institut de recherche et d'histoire des textes, avec une historienne que vous connaissez, Jolanta Zalewska, pendant 11 ans, un séminaire sur la Bible moralisée dite de Saint-Louis, un roi que vous avez beaucoup pratiqué vous-même. Bon. Et dans cette Bible, j'ai été frappé, qui comporte 5000 médaillons peints, tous différents, les juifs sont omniprésents et les musulmans absents, et ce qui s'appelle totalement absents. Or, cette lacune, si vous voulez, iconographique, m'a intrigué. Donc j'ai eu envie de m'intéresser en médiéviste à la représentation du prophète. La deuxième motivation, c'est que j'ai eu un poste d'histoire comparée des religions à l'Université de Strasbourg qui m'a donné le goût de comparer le sort que chacun des grands fondateurs de grandes religions a eu dans l'art, qui est extrêmement différent selon les religions. Bon, et j'ai voulu un jour me dire, bon, et Mohamed, qu'en est-il ? Et puis la troisième motivation, alors peut-être plus récente, c'est l'affaire des caricatures danoises en 2006, l'impression que j'ai eue à lire la presse d'une sorte d'opposition dualiste, si vous voulez, entre ceux qui montent au rempart, sabre au clair, en disant la liberté d'opinion est menacée si les caricatures du prophète sont interdites, et puis le monde musulman très choqué de cette affaire des caricatures. Bon, et du coup, j'ai eu envie de tester, si vous voulez, ce que valait cette opposition, et je crois qu'elle ne vaut pas grand-chose. Donc, la motivation, si vous voulez, profonde de ce livre, c'est de montrer à la fois aux musulmans et au public cultivé français, mais que l'islam est une religion beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que l'on ne l'a dit à cette occasion. Eh bien, moi, je suis très heureux que vous ayez publié ce livre et qu'il nous donne l'occasion d'en discuter, en raison précisément des discussions, des sentiments, il faut bien le dire aussi, des oppositions, des conflits qui se sont produits récemment et qui sont toujours plus ou moins dans l'atmosphère ambiante. Je pense que ce livre doit être un de ceux qui doivent concourir d'abord à bien informer les gens, car l'information est essentielle, et ensuite à la tolérance et au respect de l'autre. Aussi, je suis très heureux et je remercie très chaleureusement Monsieur Abdelmoubidar d'avoir bien voulu participer à cette émission, car c'est un philosophe de l'islam très connu, un musulman, et bien entendu, je vais lui poser à lui aussi la question à la façon qu'il faut pour lui. Est-ce que ce livre vous a intéressé? Est-ce qu'il vous a apporté quelque chose? Est-ce que vous croyez que c'est un livre utile? C'est un livre utile non seulement pour la raison qu'a donnée François Busflug, à savoir le fait qu'il est ou il va être, c'est tout au moins ce que j'espère, l'opportunité pour le lectorat français de s'informer sur la personnalité du prophète et sur un certain nombre de grandes questions historiques qui se sont posées à la civilisation islamique autour de la personnalité du prophète. Mais en plus de cette première raison et de ce premier intérêt du livre, j'en vois un second, qui est l'opportunité donnée également par ce livre pour les musulmans de langue française d'une réappropriation, hein, je dis bien d'une réappropriation, d'une question fondamentale de leur culture spirituelle, étant entendu que, comme le dit François Busflug, la culture musulmane aujourd'hui, dans son ensemble, pas chez tous ses adeptes, mais dans son ensemble, souffre sur un certain nombre de ces questions fondamentales qui pourtant la concernent, d'un déficit de réflexion. En l'occurrence, c'est répandu dans la culture islamique populaire et quelquefois savante, s'est répandu le préjugé que la personne du prophète Mohammed serait irreprésentable. En réalité, historiquement, la question est beaucoup plus complexe. Et je crois que l'intérêt de ce livre est de montrer, de poser une question, tout d'abord, la première en tout cas, au sujet de la représentation du prophète, c'est la question de sa raison. Alors, pour le dire rapidement, je dirais qu'on a le choix entre deux hypothèses de départ. La première, c'est que le prophète ne serait pas représentable parce qu'il ne serait pas digne d'être représenté. Il ne serait pas digne d'être représenté au sens où l'islam se voulant une religion du livre qui met le Coran, c'est-à-dire le texte, au centre de sa révélation. Dans l'islam, c'est le Coran, le texte Coran qui est la révélation. Il s'agissait peut-être, en déclarant que le prophète était irreprésentable, de s'assurer que le prophète, c'est-à-dire la personne du messager, passe au second plan par rapport à cette nécessité de mettre au premier plan le texte, le livre. Donc Mohammed, de ce point de vue-là, ne serait pas digne d'être représenté, ou plus exactement, il s'agirait d'une stratégie historique visant à assurer la primauté du texte comme événement de la révélation. Mais la deuxième hypothèse, qui est complètement différente, voire contradictoire, est que Mohammed serait trop digne ontologiquement, hein, pour être figurée et pour être représentée. Je crois que nous aurons l'occasion d'en discuter. C'est-à-dire qu'il y aurait, dans la personne de Mohammed, l'actualisation d'une sainteté que les soufis, par exemple, les mystiques de l'islam ont appelée une lumière, la lumière mohammédienne, qui, en raison de son éclat, serait trop importante pour être manifestée. Hein. Comme le dit une de nos paroles les plus célèbres ici, dans notre civilisation occidentale, « Ni le soleil ni la mort ne peuvent être regardés en face », eh bien, il y aurait dans le soleil, c'est-à-dire dans la lumière, et en l'occurrence dans cette lumière mohammédienne, quelque chose qui serait trop sublime, trop éclatant pour être regardé en face. Bon, ce serait donc ce double visage, en quelque sorte, de Mohammed, qui expliquerait toutes les questions qui se sont posées à propos de sa représentation. Et je me permets de dire à mon tour que, en tant qu'historien et citoyen, je suis extrêmement heureux de la publication de ce livre qui éclaircira, précisera d'une part le savoir et d'autre part ce qui permet à des citoyens de vivre ensemble dans la bonne connaissance de l'autre, dans la tolérance et dans la paix. François Bosfleug, vous insistez sur le fait qu'il y aurait une sorte de désinformation sur le problème de Muhammad et des images dans l'islam, et vous avez en quelque sorte accepté cette idée. Je voudrais maintenant savoir d'où vient historiquement le problème. C'est d'ailleurs par là que vous prenez les choses, après avoir posé la question. D'où vient ce problème des images dans la religion? Et vous montrez que ce problème, en fait, est né avec le monothéisme et que sa première exposition précise se trouve dans le judaïsme, dans un texte du Pentateuque que vous citez. Et nous voilà déjà replongés dans une vision historique très riche, puisque nous savons les liens historiques qui existent entre les trois grands monothéismes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Alors, l'origine. Alors, l'origine, justement, se trouve peut-être dans la conscience obscure que les musulmans partagent, sans peut-être toujours en être conscient, si vous voulez, mais d'avoir à observer cette consigne qui a été donnée par Dieu sur le Sinaï à Moïse de la manière la plus solennelle, tandis que tout le peuple d'Israël se tient au pied de la montagne, à consigne de n'en pas bouger, bon, etc. Le décalogue. Bon. Et dans ce texte, ce commandement qui est parfois nommé le deuxième, « Tu ne te feras pas d'image, ni aucune forme, de ce qui est aux cieux là-haut, de ce qui est sur terre en bas, de ce qui est dans les cieux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux, et tu ne les serviras pas, car moi, je suis Yahvé, ton Dieu, un Dieu jaloux, punissant la faute des pères chez les fils sur la troisième et la quatrième génération pour ceux qui me haïssent, mais faisant miséricorde à 1000 générations pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. » Alors j'ai voulu savoir, si vous voulez, d'abord, s'il y avait trace de ce deuxième commandement dans le Coran, comme on l'a affirmé, sans l'affirmer. Vous voyez, on laissait planer l'idée que le prophète n'était pas représentable. Alors peut-être, c'était pas la question de savoir s'il n'était pas assez digne ou trop digne. C'était interdit. Alors, c'était bon. Et alors, j'ai été regarder dans le Coran. Mais il n'y a, en dépit du fait que le Coran est très riche d'allusion à la Bible et de commandement biblique, il n'y a pas trace dans le Coran de cette interdiction des images cultuelles. J'insiste, il s'agit d'une interdiction des images cultuelles et non pas d'un interdit de la figuration ni d'un interdit de l'art. Voilà. Je crois que c'est très important de le redire ici. Absolument. Bon. Est-ce que le Dieu révélé à Moïse, cru avec extraordinairement d'intensité dans un Proche-Orient, par ailleurs très polythéiste, alentour, réclame, c'est que l'on ne lui mette pas des concurrents, si vous voulez, en face, et qu'on n'imagine pas qu'il y ait nécessité d'en passer par des médiations cultuelles. Vous vous adresserez directement à moi, et cela suffit. Je n'ai besoin ni de nourriture, ni de statut, ni de soins, ni de flatterie. Voilà. Abdelnour Bouinard, d'accord avec ça. Je me permets d'ajouter une chose que j'aimerais vous voir rapidement discuter ensuite. Dans cette affaire, le vocabulaire, comme il arrive souvent, est très important. Et il me semble que les problèmes de vocabulaire dans cet ouvrage sont d'un grand intérêt. Il y a évidemment un terme général qui en fait pose question, qui est image, mais quand il s'agit de tabou, d'interdiction, aussitôt arrive un autre thème qui a joué, un autre mot qui a joué un rôle historique important et que met bien en valeur François Bosflug, c'est idole. J'en reviens donc à la question de ce que vient de dire François Bosflug sur l'importance du Pentateuque. Alors, il y a, me semble-t-il, dans cette question de la possibilité ou du droit de représenter le prophète, une autre référence ou une autre allusion, je dirais, complètement implicite dans l'histoire de l'islam. Il ne me semble pas qu'elle ait été véritablement explicitée. À ce qui est arrivé à Moïse et à ce qui est décrit dans l'Ancien Testament. À savoir le fait que quand Moïse revient de sa rencontre avec Dieu, il y a cette histoire du voile qui est sur son visage. Et cette histoire du voile à travers lequel il va s'adresser à ceux qui vont le questionner. Or, on observe que lorsque dans l'histoire de l'islam, et François Bosflug nous donnera un certain nombre d'exemples précis, le prophète Mohammed est malgré tout représenté, il arrive que son visage soit représenté derrière un voile. Donc là, il y a une allusion, une sorte de réminiscence mosaïque, une sorte de référence testamentaire, mais qui n'est pas assumée. Et c'est quelque chose qu'on trouve explicité, mais pas tellement en référence avec Moïse, quoique dans la typologie de la sainteté des soufis. Je m'explique. Les soufis expliquent que lorsqu'un saint, en islam, atteint un certain degré de sainteté, il est obligé, par son état spirituel ou par sa station spirituelle, de dissimuler son visage derrière un voile. Et donc, d'une certaine façon, l'accès à son visage est barré à ceux qui le regardent. C'est-à-dire qu'il met à travers le voile une distance entre ce que porte son visage, ce qu'exprime son visage et son interlocuteur. Donc il y a, hein, dans l'histoire de l'islam, de façon, je dirais, souterraine, au moins sur le plan ésotérique, quelque chose de très mystérieux qui se joue là. Et beaucoup de choses autour de la personne du prophète sont mystérieuses. Je vous propose un autre mystère autour de la personne du prophète. Comment se fait-il que, à la fois, cet homme ait été réputé, de façon générale, irreprésentable, et qu'en même temps, il y ait autour du prophète, ou à partir du prophète, cette profusion de discours. C'est-à-dire que, aujourd'hui, ce qui constitue la tradition musulmane, sa tradition scripturaire, c'est non seulement le Coran, mais tout le corpus du hadith. C'est-à-dire tout le corpus des faits et des gestes du prophète. Donc le prophète nous présente ce paradoxe d'être suprêmement absent parce qu'il n'est pas représenté et extraordinairement présent parce qu'il a donné des modèles de comportement, hein, des modèles de qualité, des modèles de conduite à travers toute une production de ces paroles qui continuellement le mettent en scène et le font exister dans la vie du musulman. Donc c'est une question qui est véritablement très complexe. Est-ce que vous voudriez rappeler à nos auditeurs qui étaient les soufis ? Alors, on désigne sous ce terme très générique ou général la tradition mystique et initiatique de l'islam, dont l'émergence ou le surgissement est quasiment contemporain de l'apparition de l'islam lui-même au 7e siècle. On a eu d'abord un certain nombre de saints soufis. En réalité, je dis soufis, c'est une, si vous voulez, une culture de la sagesse. Une culture de la sagesse et une culture de la sainteté. On a eu d'abord un certain nombre de soufis isolés durant les premiers siècles de l'islam. Et puis à partir du 10e ou du 10e ou 11e siècle de notre ère, eh bien, les soufis se sont organisés en confréries initiatiques dont la vitalité perdure encore aujourd'hui et s'est cristallisée autour de quelques grandes figures, par exemple l'immense Ibn Arabi, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui a justement éclairé ce mystère de la représentation ou de la non-représentation du prophète. Ibn Arabi vient juste après Averroès, c'est-à-dire qu'il écrit dans la première partie du XIIIe siècle. Bon, alors, vous voulez maintenant parler à nos auditeurs des idoles. Alors, les idoles, on peut poursuivre d'ailleurs ce que Abdennour Pidda nous a dit très opportunément du retour de Moïse après 40 jours d'entretien face à face avec le Seigneur. Bon, premièrement, Moïse est devenu si luminescent, radiant, qu'il rejoint toute une population de divinités du Proche-Orient ancien qui était considérée comme impossible à regarder sans que les yeux ne soient menacés. Bon, c'était, il y a eu un livre d'une Madame Cassin sur les dieux en tant qu'ils sont radiants, si vous voulez, absolument rayonnants. Et au fond, la tradition juive a appliqué à Moïse ce schéma, c'est que Moïse, à force de voisinage avec Dieu, il devient lui-même si rayonnant qu'on ne peut pas supporter de le voir. Bon, d'où le voile. Le voile protège ceux qui verront. Bon, et en même temps, leur dissimule Moïse. Et au fond, d'après ce que Abdennour vient de nous rappeler, Moïse est constitué dans cette tradition comme le premier soufi. Bon. Vous acceptez, j'imagine, cette façon de le voir. Enfin, les soufis se réapproprient Moïse, en quelque sorte. Au sens très précis que vous venez d'indiquer, c'est-à-dire que pour le soufisme, le terme de la sainteté spirituelle est la capacité qu'a l'être humain à devenir une théophanie. C'est ça. Dans un processus que les soufis appellent un processus de dévoilement, de tajalli, voilà, de la présence divine dans l'être. Et une théophanie véridique, c'est presque un pléonasme. Par opposition à l'idole, je reviens à la question de Jacques Le Goff, qui, elle, est une tromperie, une illusion. Bon, et c'est ce qui explique, à mon avis, que dans les trois monothéismes, aussi bien d'ailleurs le christianisme que le judaïsme que l'islam, tout ce qui est art illusionniste, et au premier rang les statues, qui ont une sorte de pouvoir de tromperie maximum, si vous voulez, même par rapport à l'image plane, eh bien, a toujours été regardé de travers. Il a fallu plus de 1000 ans pour que le christianisme se réconcilie vraiment avec la statuaire, vous voyez, et l'islam ne s'est jamais réconcilié avec lui, ni le judaïsme. Bon, parce que c'est un ersatz trompeur de théophanie. Voilà. Alors, venons maintenant aux images dans le Coran. Il y a d'abord la question, et encore une fois, puisque c'est le centre de notre discussion, de l'image du prophète. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Je vais vous donner un exemple de la différence d'interprétation de cette question qui peut avoir lieu en islam selon que l'on se situe sur un plan exotérique ou sur un plan ésotérique. Sur le plan exotérique, c'est-à-dire sur le plan de la religion commune, il y a un souci qui est continuellement affirmé dans le Coran que rien ne soit associé à Dieu. C'est un des leitmotifs du Coran, c'est presque un de ses kérigmes fondamentaux à partir desquels on a pu présenter l'islam comme, parmi les religions du livre, le monothéisme radical, c'est-à-dire celui qui, avec le plus de force, de vigueur, de radicalité, donc, affirme l'incomparabilité de Dieu et qui, à partir de là, interdit la représentation de Mohammed, c'est-à-dire du prophète, au sens où il s'agit, par distinction avec le christianisme, de ne surtout pas laisser croire que Mohammed pourrait être digne d'être représenté comme le messager de Dieu, au sens où les musulmans ont le souci que de distinguer leur religion du christianisme dans laquelle le messager est le fils de Dieu. Donc il s'agit, pour assurer l'incomparabilité de Dieu, de mettre Mohammed complètement dans l'ombre. Ça, c'est un point qui est véritablement très important. Et il y a, par exemple, un verset du Coran, dans la sourate 42, c'est le verset 11, dans lequel donc Dieu dit, ou Dieu aurait dit, qu'il n'y a rien dans la création qui lui ressemble, qui a été, il n'y a aucune chose qui a été créée à son image. Donc encore une fois, pour dire à quel point aucune chose créée ne pourrait supporter ontologiquement d'être l'image de quelque chose de divin, ou d'un élément de la réalité divine. Ça, c'est ce qui a lieu sur le plan exotérique. Sur le plan ésotérique, c'est-à-dire sur le plan de la sagesse soufie, de la sagesse initiatique ou de la sagesse mystique, le même verset est interprété ou lu, plus exactement, d'une façon complètement différente. En arabe, la formule est « Laïsa ka mithlihi shay'un ». Aucune chose n'a été créée semblable à lui, semblable à Dieu. Eh bien, Ibn Arabi, que je citais tout à l'heure, nous explique qu'en réalité, ce verset signifie complètement différemment. Dieu aurait dit dans ce verset « Je n'ai rien créé comme mon semblable », en désignant comme son semblable Mohammed. Donc là, on a affaire à quelque chose qui est complètement renversé entre la signification courante et la signification ésotérique, puisque voilà Mohammed qui est en réalité l'archétype de l'être humain. Hein, pour les musulmans, il est encore plus archétypal qu'Adam, puisque comme le dit un hadith, Mohammed a été créé alors que Adam était encore entre l'eau et l'argile. Eh bien, voilà que l'archétype humain est présenté ici sur le plan ésotérique comme le semblable de Dieu, c'est-à-dire, il faut le comprendre comme le disait tout à l'heure François Busplug, le lieu d'une irradiation, le lieu d'une luminescence, au sens où, quand on parle de la Nour Mohammadi, de la lumière mohammedienne, il faut se rappeler qu'en islam, parmi les 99 noms de Dieu, il y a la lumière, Nour en arabe. François Busplug. On est ici, je pense, au nœud, un nœud fondamental qui permet de comprendre comment l'islam et le christianisme ont suivi des directions différentes en matière d'art religieux. Parce que il me plaît, si vous voulez, de rappeler, après votre intervention, Abdennour, qu'il y a un verset du livre de la Genèse qui dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il n'a pas seulement créé son Verbe ou son Messie ou Jésus-Christ à sa parfaite ressemblance, comme l'islam dit que dans la tradition ésotérique que vous rappeliez, que Dieu a fait pour Muhammad, il a créé l'homme. Bon, à partir de ce moment-là, il est tout à fait logique, si vous voulez, que les deux religions, d'une certaine manière, divergent et que la tradition musulmane, au fond, considère puisque plus aucune créature, plus personne, après Muhammad toujours, ne peut revendiquer d'être à l'image de Dieu, tout homme qui voudrait peindre, comment dire, un homme se ferait au fond un sacrilège, ça deviendrait blasphématoire en quelque sorte. Bon, là, il y a une divergence de fond entre les deux traditions, avec quand même une petite question, si vous permettez, c'est au fond, comment expliquez-vous que pour éviter qu'il y ait des théophanies de contrebande, on interdit les images, tout en affirmant de Muhammad qu'il est lui-même théophanique. Vous voyez, bon. Alors là, il y a un petit point délicat. Je suis très heureux de vous rencontrer, de parler avec Jacques Levoc et vous de ce problème. Vous voyez, est-ce que c'est possible que vous me fassiez écho sur ce point ? Avez-vous une réponse ? Oui. Alors, je crois que là, il est nécessaire d'élargir un petit peu la question. Au sens où, en islam, et François Busplug le montre bien dans son livre, c'est non seulement la représentation de Mohammed qui est déclarée impossible et qui va constituer au fil des siècles, ou en tout cas dans certaines sociétés du monde musulman, un véritable sacrilège. Pas partout, pas tout le temps. Voilà, pas partout, pas tout le temps. C'est non seulement cette représentation du prophète, mais ce qui est dénié à l'homme, pas seulement à Mohammed, c'est la possibilité de représenter des images de choses vivantes. Voilà, je crois que ça, c'est très important. Pour quelle raison ? Parce que la possibilité de représenter des choses vivantes est considérée comme la possibilité, d'une certaine façon, ou comme l'ambition qui serait manifestée par l'homme, de créer la vie, et donc de créer. Et je crois que là, il y a, entre le christianisme et l'islam, effectivement, une différence qui est fondamentale. Je ne dirais pas qu'elle est indépassable. Je vais vous dire pourquoi. Mais cette différence fondamentale est que, dans l'islam, on ne trouvera quasiment nulle part l'hypothèse que l'homme puisse être le co-créateur de l'être. Voilà. C'est-à-dire que, encore une fois, avec ce souci radical qu'a l'islam d'affirmer l'incomparabilité de Dieu, l'unicité de Dieu dans un certain nombre de fonctions régaliennes, si vous voulez, eh bien, il s'agit de donner à Dieu l'entièreté et l'exclusivité de la puissance créatrice. Et vous trouverez très très peu dans l'islam de penseurs, d'intellectuels, de mystiques qui osent, c'est vraiment une question d'audace, je crois, parler d'une puissance créatrice chez l'être humain. Il y a des exceptions. Par exemple, historiquement, au Xe siècle, celle du fameux soufi Hallaj, qui à Bagdad s'exclame, et pour ça il finira supplicié, qui s'exclame en arabe « Analhaq », c'est-à-dire « Je suis la vérité créatrice ». Mais c'est une véritable exception. Il y a d'autres exceptions, mais qui sont des comètes dans l'histoire intellectuelle et spirituelle de l'islam. Il y en a une autre sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est Mohamed Iqbal, qui est un des deux ou trois plus grands philosophes modernes de l'islam, philosophe, théologien, mystique, qui, lui, ne se contente pas de l'exclamation de Hallaj, mais élabore une véritable théorie islamique de la possibilité pour l'homme d'être considéré comme le co-créateur. Mais ce sont des exceptions, non pas dans la nature, mais dans la culture islamique. Ouais. Alors que, par exemple, dans la Genèse, Dieu laisse l'homme nommer animaux et ce genre délègue. Il lui délègue son pouvoir, vous disiez régalien à l'instant, de superintendant de la création. Et je crois que c'est à cette lumière aussi que les traditions, disons, iconophiles du christianisme ont interprété la production artistique, non pas du tout comme une création d'être, si vous voulez, hein, mais comme la manifestation d'un esprit créateur qui ne prétend pas donner l'être, donner la vie. Il prétend simplement créer un monde comme Dieu a créé un monde doté d'être. Et lui peut alors donner l'être aux formes qu'il crée. Ben, l'homme, lui, ressemble à Dieu sur le point qu'il crée lui aussi des formes auxquelles il ne donne pas la vie. Vous voyez, bon. Et c'est très curieux pour moi, c'est presque un peu mystérieux de savoir pourquoi toute la civilisation musulmane est travaillée par ce problème de ne pas blasphémer ou ne pas mimer coupablement l'activité créatrice de Dieu. Là où les artistes, je crois que vous diriez aujourd'hui à des artistes qu'ils à partir du moment où ils font des figures d'hommes ou d'animaux, les êtres à souffle, qu'ils miment coupablement Dieu, ils ne comprendraient pas, vous voyez, qu'on leur fasse ce reproche. C'est mystérieux pour moi de savoir pourquoi il y a eu, si vous voulez, une perception négative de la création artistique, là où, par exemple, l'anthropologie, qui s'intéresse au paléolithique, par exemple, maintenant parvient à l'idée qu'avant d'être un homo sapiens, au fond, l'homme est un homo pictor. Vous trouvez ce thème chez les spécialistes de la préhistoire, à savoir l'homme fait des figures de bisons, des figures d'animaux. C'est déjà des formes avec souffle, vous voyez. Bon. Et c'est tellement enraciné qu'on en trouve plein les cavernes. Alors que l'islam éloigne complètement l'art de la vie. Oui, alors là où le mystère ou la difficulté se redouble, c'est qu'il y a dans le Coran lui-même, une exception remarquable et assez stupéfiante à cette incapacité de l'homme à créer la vie, c'est la figure de Jésus, telle qu'elle est présentée. C'est-à-dire que dans le Coran, bien que le Coran dise que, que Jésus ne soit pas le Fils de Dieu, il est présenté comme ayant la capacité divine, puisqu'il y a dans un autre verset du Coran, on a exactement le même récit pour Dieu lui-même, à créer de ses mains une forme d'argile et à lui donner une insufflation qui la vivifie, qui l'existencie. La formule que tous les musulmans connaissent, enfin qu'ils tous devraient connaître, en arabe est très lapidaire et très puissante avec son caractère lapidaire, c'est Jésus dit donc à cette forme « kun fayakun ». Il lui dit « soit et elle est ». Voilà. Et la forme modelée, excusez-moi, la forme je modelée vous prolonge, n'est pas n'importe laquelle. Qui est celle d'un oiseau, si je me souviens bien. Exactement. Ça vient d'ailleurs d'un apocryphe qui a été repris par le Coran, s'envole à la stupéfaction de toute la cour de classe qui se trouve avec Jésus enfant. Et c'est peint, vous le savez peut-être, c'est peint sur un plafond des Grisons en Suisse qui s'appelle Tzilis, où on voit Jésus avec son objet modelé qui est en train d'insuffler la vie à l'objet qui va s'envoler. Maintenant, il convient, je pense, que présenter rapidement à nos auditeurs ce que les hadiths, c'est-à-dire ces textes qui ont été composés après le Coran, qui le complète sans en avoir la valeur religieuse puissante, essentielle, mais malgré tout, on joue un rôle très important dans la religion musulmane. Qu'est-ce qu'ils apportent sur cette question ? Ah, ils apportent, je crois, ce qui précisément ne se trouve pas littéralement dans le Coran, c'est-à-dire un certain nombre de dits ou de faits ou de silences ou d'observations du prophète qui tiennent lieu, au fond, de lois cadres pour ce qui concerne la figuration des êtres ayant du souffle. Et alors, l'émission permettra d'entendre quelques-uns de ces hadiths. On en compte une dizaine ou une douzaine qui parlent explicitement des réactions du prophète vis-à-vis, par exemple, d'une tenture, d'un rideau sur lequel est brodé des êtres à vie, je ne sais pas exactement lesquels, et le prophète réprouve ça. Et alors, c'est très intéressant de voir ce qu'on va faire du rideau. On ne va pas le détruire ni le brûler, on va le découper pour en faire des coussins. Sous-entendu, ce sur quoi on est assis ne risque pas d'être adoré. Vous voyez, alors, pour le coup, le péril de l'idole s'évacue tout seul. Bon. Et puis, les autres hadiths, alors je crois, ont tous en commun ceci, c'est de mettre les artistes devant leur responsabilité, d'imaginer ce qu'ils auront à entendre au jour du jugement dernier, lorsque il leur sera dit, vous avez osé créer des formes, et bien c'est pas malin de votre part, parce que maintenant, je vais vous mettre au défi de leur donner la vie. Bon, alors ils n'auront pas tous la chance qu'a eu Jésus de prendre sa poterie et puis de lui donner la vie, oui. Bon, et ils seront, alors je crois que ce qu'il faut prolonger dans la pensée des hadiths, c'est qu'ils seront l'objet de la risée universelle, ce qui comme supplice c'est quand même assez cruel. On se demande s'il vaut mieux pas être ébouillanté. Voulez-vous ajouter quelque chose sur les hadiths ? Oui, je voudrais rajouter quelque chose. Je crois que là, on déplace un petit peu la question, et de façon très heureuse, du plan qui était le nôtre jusque-là, qui était plutôt théologique et philosophique, à une question qui est la question historique de ce qui est considéré en islam comme la vérité, c'est-à-dire comme ce qui fait loi et ce qui fait autorité. Il se trouve que cette parole qui nous vient des hadiths et qui a été compilée durant les premiers siècles de l'islam a acquis au fil du temps une sacralité qu'on a de moins en moins songé à discuter de façon critique. Et là, nous sommes face à ce que le professeur Mohamed Harkoun appelait d'une part la construction humaine de l'islam, et d'autre part, ce que l'islam a intériorisé progressivement comme sa mytho-histoire, c'est-à-dire comme un certain nombre de commandements intangibles qui ont été sacralisés parce qu'ils sont réputés dans la conscience musulmane venir de Dieu même ou venir du prophète lui-même, sans que l'on donne à l'histoire, au temps, le droit de les discuter. Ça, c'est une question qui, je crois, est mise en jeu par le livre de François Buzpflug, qui invite les musulmans à discuter de façon critique de représentations qu'ils ont mythifiées, qu'ils ont sacralisées, et sur lesquelles, aujourd'hui, il serait temps qu'une nouvelle discussion soit entreprise, autour, par exemple, de façon très simple, de la question de la liberté de l'artiste. Bon, eh bien, écoutons, si vous le voulez bien, quelques-uns de ces hadiths qui ont été choisis par François Buzpflug. Le messager d'Allah rentra d'un voyage. J'avais entre-temps recouvert une lucarne de la maison avec un rideau portant des images. Quand le messager d'Allah le vit, son visage changea de couleur et il dit « Oh, Aïcha, les gens qui auront les tourments les plus durs auprès d'Allah le jour de la résurrection seront ceux qui auront cherché à imiter Allah dans sa création. » Elle dit « Nous le découpâmes aussitôt pour en faire un ou deux coussins. » J'ai entendu le messager d'Allah dire « Celui qui dessine une image dans ce monde sera chargé d'y insuffler la vie le jour de la résurrection et ne pourra jamais le faire. » J'ai entendu le messager d'Allah dire « Allah, le Très-Haut, dit « Qui est plus injuste que celui qui essaie de créer, comme moi ? Qu'il crée donc une fourmi, ou qu'il crée une graine, ou qu'il crée un grain d'orge. » Alors, nous en venons précisément à ce qui fait le titre de cet ouvrage, mais qui devait être présenté à la suite de cette longue histoire et de cette entrée dans le cœur de l'islam lui-même, pour que le problème soit bien compris, c'est-à-dire le prophète et son image. Et peut-être que nous allons tout de suite écouter un autre texte, qui celui-là est un portrait de Muhammad. D'où vient ce texte, François Bassouk? C'est une tradition qui a plusieurs sources, mais dont la description qui va être lue pourrait remonter à Abu Talib, et qui la tiendrait lui-même du demi-frère de l'oncle du prophète. Bon, et elle a été transmise par Tirmidhi. Voilà. Tirmidhi, 824-892. Vous voyez, bon, ça nous place pas tout à fait aux origines, mais bon, déjà, quand même encore assez haut, ouais. Bon, à peu près 2 siècles et demi après la mort du prophète. Bon. Et je tiens ce texte pour très important pour plusieurs raisons. C'est que parmi les fondateurs de religions dont nous parlions de manière comparatiste tout à l'heure, les uns ont laissé place à une description physique très précise, comme Muhammad, et d'autres pas du tout, par comparaison, si vous voulez, c'est très intéressant de se souvenir que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas la moindre mention de l'allure physique de Jésus. On ne sait pas s'il était petit ou grand, s'il avait les yeux bleus ou noirs, bon, on n'en sait rien. On sait par exemple beaucoup mieux à quoi ressemblaient Saint-Pierre et Saint-Paul. Ouais. Saint-Pierre et Saint-Paul, dans l'art chrétien, sont fixés tout de suite. Bon. Avec le portrait qui est décrit là, on est devant, si vous voulez, la question suivante. Puisque le physique de Muhammad a été décrit de manière aussi fidèle, qu'est-ce qui empêche d'une certaine manière que les peintres, le lisant, prennent leur pinceau, se disent on va essayer de suivre cette description, vous voyez, bon. Et du coup, nous sommes dans un des deux versants, si vous voulez, de ces dialectiques, visibilité et invisibilité. Avec Muhammad, on a un maximum de visibilité physique transmise par une tradition. Bon, ensuite, on a évidemment ce que Abdennour rappelait tout à l'heure, c'est-à-dire toute une tradition qui est au contraire faire culer Muhammad dans l'invisibilité. On demandait à Ali des détails sur l'extérieur du prophète. Ali dit « Il était de taille moyenne, ni très grand, ni très petit. Son teint était d'un blanc rosé, ses yeux étaient noirs, ses cheveux épais, brillants et beaux. Sa barbe, qui entourait tout son visage, était bien fournie. Les cheveux de sa tête étaient longs et lui allaient jusqu'aux épaules. Ils étaient noirs. Son cou était blanc. Il avait, depuis la poitrine jusqu'au nombril, une ligne noire de poils si minces qu'on aurait dit qu'elle avait été tracée avec un calème. Il n'y avait point d'autres poils sur la partie inférieure de son corps. Sa tête était ronde, ni petite ni grande. Il avait les plantes des pieds et des mains bien proportionnées, ni trop fortes, ni trop faibles. Son dos était charnu et robuste. Entre les deux épaules, il avait une excroissance de la grandeur d'un dirhem, entouré de poils non clairsemés, mais touffus. Sa démarche était si énergique qu'on aurait dit qu'il détachait ses pieds de la pierre, et cependant, en même temps, si légère qu'il semblait qu'il voltigeât de haut en bas. Mais il ne marchait pas avec fierté comme font les princes. Il y avait, dans son visage, tant de douceur qu'une fois en sa présence, on ne pouvait pas le quitter. Si l'on avait faim, on était rassasié en le regardant, et l'on ne songeait plus à la nourriture. Tout homme affligé oubliait son chagrin quand il était en sa présence, charmé par la douceur de son visage et de sa parole. Quiconque l'avait vu convenait n'avoir jamais trouvé, ni avant ni après lui, un homme ayant la parole aussi charmante. Son nez était droit, ses dents écartées. Tantôt, il laissait tomber les cheveux de sa tête, naturellement. Tantôt, il les portait noués ensemble en deux ou quatre boucles. À 73 ans, sur tout son corps, l'âge n'avait encore fait blanchir qu'une quinzaine de cheveux et 10 à 20 poils dans la barbe du menton. Il n'y avait pas sur la terre d'homme d'un caractère aussi agréable que lui, aussi généreux et aussi vaillant. Mais comme malheureusement il ne nous reste plus énormément de temps, je voudrais que nous sortions, si j'ose dire, de l'ouvrage de François Bostwick quelques données qui me semblent essentielles. D'abord, c'est une sorte d'histoire de la représentation de Muhammad dans l'art musulman, qu'est-ce qu'est François Bostwick, et il montre que l'essentiel semble s'être réfugié dans l'enluminure. Et dans cette enluminure, les récits de certains épisodes de la vie de Muhammad sont représentés, parmi lesquels, premier plan peut-être, le voyage nocturne. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'un épisode fondamental de la vie du prophète, qui l'a d'abord transporté de la Mecque à Jérusalem, puis de Jérusalem aux cieux, bon, où il va d'ailleurs grimper, si j'ose dire, sur une jument à tête de femme qui s'appelle Bourak, les différents étages du ciel et rencontrer là les prophètes et accéder jusque, au monde de Dieu. Bon, c'est absolument sidérant et il y a de très beaux manuscrits magnifiquement, somptueusement enluminés qui montrent cette scène. Bon, comme il y en a d'ailleurs d'autres qui permettent à la limite de faire une vie du prophète Muhammad en image. Je ne sais pas si cela a jamais été tenté. Je pense que non. Peut-être qu'une historienne de l'art qui s'appelle Christine Gruber et qui est professeure à l'Université d'Indianapolis va publier dans quelques mois un livre ainsi conçu, si vous voulez. Bon. Mais bon, pour le reste, c'est vrai que l'histoire générale des images du prophète a donné à ce mirage, ce voyage au ciel, une sorte de préférence, et est allé ensuite, grosso modo, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, dans le sens d'une tendance de plus en plus grande vers l'invisibilité, c'est-à-dire le voile devant la tête, ou bien des textes qui tiennent lieu, au fond, d'icônes verbales qui permettent de vivre émotionnellement la présence du prophète, mais voilà. Oui, alors deux petites réactions. Je voudrais insister donc à nouveau sur, alors je vais employer une formule qui est totalement iconoclaste, sur ce que j'appellerais la trinité islamique. Dieu, Allah donc en arabe, le Coran et le prophète. Je crois que dans l'économie de la construction de l'islam, pour mettre en avant l'incomparabilité de Dieu et pour mettre en avant l'événement de la révélation dans le texte coranique, il était nécessaire que le troisième terme, Mohammed, subisse d'une certaine façon ce processus d'invisibilisation. Ça, c'est le premier point. Le second point est relatif à l'intérêt actuel d'une question comme celle-ci. Je crois qu'aujourd'hui, du côté des musulmans en tout cas, il est tout à fait important qu'on se repose à nouveau une question extrêmement simple. Pourquoi cette invisibilité du prophète et qu'est-ce que je peux en faire, je mets les choses à la première personne, qu'est-ce que je peux en faire en termes de culture spirituelle et en termes de vie spirituelle? Eh bien là, si vous voulez, je ferai une référence peut-être un petit peu inattendue, je ferai une référence à Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas, dont on le sait, chez qui on le sait, la question du visage était particulièrement importante. Hein. Le visage de l'autre, c'est la manifestation de son humanité qui m'interdit de lui faire violence. Eh bien, je dirais qu'on peut trouver quelque chose d'analogue avec l'invisibilité du prophète. Puisqu'à partir du moment où il n'a pas de visage, eh bien, lorsque je rencontre l'autre, c'est peut-être lui. Oui, c'est une très belle façon de considérer la question et sa profondeur. Bon. Maintenant, je crois que la question, si vous voulez, qui est posée à l'islam par ce livre et toute enquête qui portera sur ce sujet, c'est de savoir si une civilisation et une religion doivent s'imposer un seul mode de rapport, si vous voulez, à la transcendance, au prophète et à ce que vous avez osé appeler, j'aurais pas osé le faire, mais vous l'avez fait, donc je vous reprends votre expression, la Trinité, bon, Allah, le Coran, le prophète. Bon. Est-ce qu'il faut que l'islam de ces prochaines décennies, si vous voulez, s'impose ou impose autour d'elle une seule façon, si vous voulez, de se rapporter à la transcendance? Si vous voulez, je suis moi de plus en plus persuadé, maintenant que je suis professeur émérite, j'ose le dire, que les religions sont humaines et profitables et bienfaisantes dans l'exacte mesure où elles acceptent, non pas de se contredire, mais de s'infléchir et de se diversifier. Si bien que je souhaite à l'islam de tout mon cœur, si vous voulez, de théologien chrétien, respectueux, infiniment de la richesse de l'islam, de s'ouvrir à d'autres possibilités, au fond, de s'ouvrir à la transcendance. Je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire. Et en ce début d'année, je vais faire un second vœu. Non seulement que l'islam accepte et pratique à l'intérieur de soi le pluralisme des interprétations et le pluralisme des convictions. En général, il déplore que de l'extérieur, on l'essentialise, mais je crois qu'il doit se garder lui-même de s'essentialiser. Hein. Et le deuxième vœu, qui me paraît complémentaire du premier, c'est que plutôt que de continuer à colporter quelque chose, ici le préjugé de l'irreprésentabilité du prophète comme une vérité absolue, il y ait une discussion du sens. À nouveau une discussion du sens et peut-être une discussion sur une vertu spirituelle de ce type de conviction. Ce qui vous trouverez encore dans ce livre passionnant et riche et beau, ce sont 20 photos d'images du prophète, dont seulement 4 d'ailleurs datent du Moyen-Âge. Les autres s'échelonnant dans le temps jusqu'à nous. Et comme nous ne sommes malheureusement pas, ou heureusement, la télévision, nous ne parlerons pas, si vous le voulez bien, de ces images. Je voudrais simplement demander à nos deux invités, François Bosluc et Abdennour Bidar, une brève conclusion. François Bosluc. Ma conclusion est que, autour de l'image, les religions qui sont appelées de plus en plus souvent à vivre dans les mêmes sociétés, c'est-à-dire que la plupart de nos sociétés maintenant deviennent des sociétés multiculturelles et multireligieuses. Et ce dossier, si vous voulez, m'a passionné parce que j'ai le sentiment que l'image peut être désormais le lieu d'un échange et d'une découverte mutuelle approfondie et rapide. C'est-à-dire avec l'image, quand on en parle avec des gens, on va droit au but. Si vous voulez présenter votre famille à votre future belle-famille, par exemple, je suis frappé de ça. On apporte des photos de sa famille pour faire comprendre à sa future belle-famille voilà, qui on est. Bon, et je pense que maintenant, de plus en plus, les religions et les communautés religieuses seront appelées à se rencontrer sur le terrain de l'image, de la gestion publique, médiatique, des traditions d'image ou des refus d'image d'ailleurs, bon, mais que c'est un lieu, un formidable lieu médium de rencontre. Abdennour Bidar. Pour conclure, de mon côté, je souhaiterais remercier François Busflug parce que je considère son livre comme une main tendue, qui est la main tendue de l'intelligence et de la curiosité pour l'univers spirituel de l'autre. Dans un temps où, comme il l'a dit, nous sommes dans des sociétés multiculturelles, où il ne s'agit pas simplement de coexister, comme on le dit trop souvent aujourd'hui, ou simplement de se tolérer au sens de se supporter, mais d'arriver à partager ensemble ce que j'ose appeler, même si le mot n'est plus du tout à la mode, un humanisme. Un humanisme autour d'une réflexion comme celle-ci, c'est-à-dire autour de la réflexion sur ce que Carl Gustav Jung, le psychanalyste, appelait un de nos grands héros civilisateurs. Pourquoi chacun conserverait-il son modèle, quel que soit le mérite de ce modèle, s'il n'est pas capable en même temps de s'intéresser au modèle de l'autre et si ces modèles ne font pas l'objet d'une inspiration commune, trouvée en commun? François Busflug, quel est le dernier texte que vous proposez à nos auditeurs? Alors, c'est un texte justement de la tradition soufie commençante, si l'on peut dire, qui a été transmis par Toustari, qui est un théologien soufi, au fond, d'origine iranienne, et qui est un peu à l'origine, au fond, d'une théologie mystique dont les auditeurs auront entendu un interprète contemporain éloquent en la personne d'Abdelnour Bidar. Non, il y a une filiation, je crois, assez exacte, si vous voulez, entre ce texte qui parle justement de Nour Muhammadi, la très belle image de la lumière de Mohammed qui contemple Dieu pendant 1 million d'années, c'est quand même fantastique, cette idée qu'au fond Adam a été tiré de la contemplation de Dieu assignée et autorisée à Mohammed. Bon. Et lui-même, Mohammed, a été pétri avec la glaise dont a été fait Adam. Bon, il y a de quoi, je vous assure, réfléchir, parce que c'est une manière de situer, si vous voulez, le rôle du prophète qui est fantastique. Ce texte, c'est pour ça que j'avais envie qu'il soit lu. C'est à Toustari que l'on doit, s'agissant des spirituels sunnites, la première élaboration d'une dramaturgie du thème du Nour Muhammadi. Ibn Sadoukin, l'un des plus proches disciples d'Ibn Arabi, précise qu'il traite du pacte primordial conclu dans la prééternité entre Dieu et les hommes et auquel fait référence le fameux verset 172 de la sourate Al-Araf. Et lorsque ton Seigneur tira des reins des fils d'Adam leur descendance et les fit témoigner contre eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ? Ils répondirent, certes oui. C'est en effet en relation avec cet épisode qui précède l'entrée du genre humain dans l'histoire que Toustari décrit la dramaturgie divine qui donnera naissance à la création et au sein de laquelle la lumière mohammadienne assume un rôle primordial pour lui. Le mot « durya » a 3 significations. Une première, une seconde et une troisième. La première, c'est « Muhammad » sur lui, la grâce et la paix. Car lorsque Dieu voulut créer Muhammad, il manifesta une lumière de sa lumière, à laquelle, quand elle atteignit le voile de la majesté, se prosterna une fois devant Dieu. De cette prosternation, il créa une immense colonne de lumière transparente, pareille à du cristal, c'est-à-dire aussi lumineuse en son dedans qu'en son dehors, en laquelle était l'essence de Muhammad. Il se tint ainsi en service devant le Seigneur des mondes durant 1 million d'années. Ainsi, lui a-t-il octroyé de le contempler 1 million d'années avant que ne débute la création. La deuxième, c'est Adam qui l'a créé de la lumière de Muhammad, tandis qu'il a créé le corps de Muhammad de l'argile d'Adam. Quant à la troisième, c'est la descendance d'Adam. C'était les lundis de l'histoire par Jacques Le Goff, avec François Busflug et Abdelnour Bidar, qui ont discuté de l'ouvrage de François Busflug qui vient de paraître aux éditions Bayard, le prophète de l'islam en image, un sujet tabou. Les textes ont été lus par Jean-Pierre Leroux. La prise de son a été assurée par Marc Garven. Et dans quelques instants, c'est pas la peine de crier, par Marie Richaud.